c'est bon petit affaire, c'est bon petit l'homme. Faut respecter les gens qui ont connu la vie. Tous les gars dit, c'est la sagacité, pour péter qu'à l'implanter plus chinois. Hey, on va faire le show. C'est la sagacité, pour péter qu'à l'implanter plus chinois. Hey, on va faire le show. C'est la sagacité, pour péter qu'à l'implanter plus chinois. Le show. DJ Willis, Papa Nassara, très très fort, le magnifique c'est moi, Papa Laurent, Big Show Dilling. Il appelle la sagacité, tout le monde a coupé, a décalé, a coupé, a décalé, a coupé. On a coupé à planer, bateau à Bijan, Papa Manager, oh oh, tout le monde. On va sagacité, sagacité, sagacité, sagacité, sagacité, équilibré. Équilibré, équilibré, Mister Acadie de la FPI, Punta Madère. Thierry Kofi de Caillou à Panama. Rachel 74, toujours très fort de Rachel 74. Où sont passés papa, ministre, papa, sauveur, frère de Kenzo. Oya kouma bete mene tout le monde. On va sagacité. Coupé, coupé, coupé, coupé. Coupé, coupé, coupé. Tout le monde, plané. Sagacité, plané. Plané, chinois, plané. Sagacité, patiné. Patiné, patiné. Certifié, certifié. Certifié, certifié. Proclamé, proclamé. Proclamé, proclamé. Montre-moi ce que vous voulez l'endroit. Montre-moi la bouteille de champagne. On va faire le show. Le grand Benito. Le grand Benito.